Nous allons traiter le sujet de dissertation suivant. La technique est-elle libératrice? Le thème principal du sujet est la notion de technique, qui est rattachée au sein du programme de philosophie au thème de la culture. La technique renvoie de façon générale à l'ensemble des moyens réfléchis, des procédés et des savoir-faire mis en œuvre afin de réaliser une action de façon efficace. Cette notion renvoie à différents domaines d'activité humaine, en particulier au monde du travail et notamment à l'industrie, mais également à des domaines tels que les arts, les sports ou encore les sciences. Cette notion est ici mise en relation avec l'adjectif libératrice. Donc, ce qui est une chose libératrice, c'est ce qui libère, c'est ce qui supprime une contrainte, un obstacle, qui met fin à une situation de servitude ou de domination. On parle de liberté pour qualifier d'abord des actions. Une action est dite libre si elle est le résultat d'une décision autonome, prise en conscience, en l'absence d'influences extérieures ni de contraintes dans sa réalisation. Mais la liberté qualifie aussi le statut d'une personne. Une personne libre est celle qui jouit de ses droits personnels, qui n'est pas soumise à autrui. La personne libre s'oppose ainsi au dominé, à l'exploité ou à l'esclave. Cette notion se rattache dans le programme plutôt au thème de la philosophie morale et politique. L'enjeu est ici de savoir dans quelle mesure la technique contribue à nous libérer. La réponse spontanée à la question semble être plutôt affirmative. La technique rend nos actions plus efficaces. En ce sens, elle permet de nous affranchir de contraintes, de lever des obstacles, d'atteindre de nouveaux objectifs. Mais il faudra envisager les limites de ce pouvoir que la technique nous procure et de prendre en considération les potentielles contraintes qu'elle pourrait créer. Voilà, là on a posé un petit peu les enjeux. À partir de ça, nous allons construire notre introduction. Je commencerai par une accroche en m'appuyant sur un film qui illustre assez bien les enjeux de ce sujet. Commençons maintenant notre introduction. Dans 2001, l'Odyssée de l'espace, Stanley Kubrick illustre le paradoxe de la technique. D'un côté, elle nous donne du pouvoir, de l'autre, elle peut nous détruire. La scène d'ouverture du film suggère que c'est l'invention de l'outil qui a permis aux premiers hommes de s'affranchir des contraintes naturelles, tout en introduisant la violence dans les rapports entre les personnes. La partie principale de l'œuvre met en scène la confrontation entre des astronautes et l'ordinateur de bord d'un vaisseau spatial, invention humaine qui cherche finalement à détruire ses créateurs. La technique apparaît simultanément comme une source de pouvoir et comme un danger potentiel. En effet, bon, confrontés à de multiples obstacles dans la satisfaction de leurs besoins et dans la réalisation de leurs projets, les êtres humains élaborent des techniques pour parvenir à les surmonter. Les techniques renvoient d'une part aux méthodes à suivre pour accomplir plus efficacement nos actions, et d'autre part aux inventions permettant d'améliorer les capacités humaines. En ce sens, la technique semble bien libératrice. Elle nous permet de nous affranchir de contraintes que nous impose notre environnement naturel ou social, ainsi que des limites de notre propre organisme. La technique apparaît comme un moyen au service des fins que se donnent les êtres humains. Ce n'est pas un agent qui risquerait de nous asservir. Cependant, l'individu n'est pas à l'abri du risque de voir son instrument se retourner contre lui. En effet, lorsqu'il fait usage d'une technique pour parvenir à ses fins, l'agent n'est pas certain que son moyen d'action n'échappe à son contrôle, que son usage ne résulte sur des conséquences imprévues. En outre, en s'appuyant sur la technique, l'agent s'en rend dépendant. Il ne sait plus comment agir en l'absence de celle-ci. Cette dépendance peut se muer en véritable aliénation, dès lors que la technique impose à son utilisateur de nouvelles contraintes qu'il n'avait pas anticipées. Il s'agit donc de se demander dans quelle mesure les créations humaines, élaborées précisément dans un but libérateur, peuvent se retourner contre leurs inventeurs et comment pourraient se prémunir de ce risque. Nous répondrons à cette problématique en trois parties. Tout d'abord, nous verrons que les techniques permettent d'améliorer les capacités humaines et de maîtriser notre environnement. Néanmoins, nous verrons ensuite qu'il existe toujours un risque que la technique se retourne contre ses créateurs. Enfin, nous verrons que lorsque nous avons recours aux techniques, nous devons préserver nos conditions de prise d'initiative afin de préserver notre liberté.